Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cindy. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Cindy, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi, troisième soirée avec Cindy, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? C'est bien, on est intime pour l'instant ce soir. Oui, pour le moment c'est calme. Petite ambiance. Mais il y a Tal qui arrive là. Oui, il y a Tal qui arrive, qui débarque dans quelques minutes. Oui. Tu nous expliqueras pourquoi elle vient ce soir, évidemment. Exactement. Dans l'émission, l'album Mine Dorée, on est quoi, à 48 heures? Ouais, oh, tu viens de me foutre un seum. Bah ouais. Une pression. 48 heures de la sortie, puisque désormais les sorties sont le vendredi. Exactement. Et bah, tu fais partie, Cindy, des artistes qui inaugurent ces sorties mondiales. Hein. Désormais, ça y est, dans le monde entier. Toutes les sorties seront les vendredis. Donc vendredi débarque ton album, premier album, qui s'appelle Selfie. Selfie, exactement. Bon, on sent comment à 48 heures? Ça va. Bien. Ça va. T'es contente? Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Vraiment hâte. Bon, vous avez déjà écouté des morceaux depuis le début de semaine, balancez avec le hashtag Cindy sur Skyrock vos morceaux qui vous ont marqué, vos morceaux peut-être déjà préférés, allez-y, vous nous envoyez tout ça avec le hashtag Cindy sur Skyrock. Dans un instant, on mettra des titres inédits, il y aura du live. Mm-hmm. Et on débute avec S'envoler. S'envoler, c'est parti, premier single disponible désormais, comme l'album qu'il le sera vendredi. Voilà, c'est voilà. C'est parti. S'est ressurgi et tous ses démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. Just C'est Skyrock et donc le Planète Rap avec Cindy, notre invitée, entre 20h et 21h, qui a été rejoint. Par Tal. Qui est avec Tal, nous. Qu'on n'avait pas entendu depuis quelques mois. Oui. Ça va ? Après sa tournée acoustique. C'est ça. Bonjour tout le monde, bonjour Skyrock. Bien. En forme. Ça fait longtemps, ça fait plaisir, ça va ? Tu vas bien ? Eh bien, ça fait plaisir aussi de te voir, Tal, parmi nous, parmi ce Planète Rap avec Cindy toute la semaine entre 20 et 21. Alors, un petit mot sur Tal, Cindy ? Bah, c'est une artiste que je suis depuis très longtemps. Je trouve que c'est un peu la référence en France et voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de talent et ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir me rendre visite. On a partagé une scène et tu sais qu'elle venait plus, elle faisait plus de promo, rien. Tu avais besoin de souffler de un peu, de respirer reposer. Un peu. J'entends. Et justement, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté. Merci. Bah avec plaisir. Écoute, je l'ai croisée moi, Cindy. La première fois que je l'ai vue, je crois que c'était sur un plateau de télé. Ouais, c'était la fête de la musique, je crois. Exactement. L'année dernière. Et voilà, on a super bien sympathisé direct. Et voilà, super bon feeling. Et du coup, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. On a fait une date, enfin, elle a fait la première partie sur un festival. Et c'était voilà. Cool. Ouais, c'était super sympa. Tu as écouté Selfie ou pas encore ? Non, je vais lui offrir ce soir du coup. Bah le bon. Voilà, il est pour toi. En avant-première. Ouais. Il est pour toi, il sort vendredi, puisque désormais il est sorti. Tal, tiens, ton prochain album sortira un vendredi. Ça sort vendredi, ouais, d'accord. Non, okay. C'est vendredi. C'est vendredi 10 juillet la sortie. Mondial, en fait. Ah, pardon, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est vendredi ? Non, on est pas du tout. Respire, là, on est mercredi. J'ai dormi 4 heures. Ah ouais, c'est chute de temps, c'est normal. Bah, en même temps, c'est bien. Tu peux souffler un petit peu en ce moment, non ? En mode détente, quoi. En mode détente et en même temps, je pense que t'as aussi en mode penser déjà au prochain album, non ? Ouais, j'ai hâte, carrément. T'es sûr ? Bah ouais, plus ou moins, ouais. Mais là, à partir de la rentrée, ça va être à 100% et ouais, j'ai hâte. Tu avais appris des chansons de Tal ou pas, toi ? Bah en fait, quand j'ai arrêté les covers au moment où t'as vraiment, vraiment commencé et du coup, non, j'ai pas pu reprendre. Jamais... Je connais ces titres. Ces titres. Ouais. Ben nous, si on les connaît bien, c'est bon. Tu pourrais nous chanter une petite ? Non, c'est la relou. Ouais. Tu pourras nous chanter une petite chanson, Cindy ? Tout à l'heure, non, tu chanteras tout à l'heure en live. Oui, on fera un live toutes les deux. Donc, on fera Earned It de The Weeknd. Elle a eu la gentillesse de ramener sa guitare. Donc, mais je vois, elle est là. Ouais, je l'ai prise. La guitare est là. C'est donc une chanson que j'adore, que j'écoute en boucle. Je pense que plein de gens écoutent en boucle cette chanson. Voilà. Le film aussi. Souvent sur Skyrock aussi. Et le film, moi, je l'ai vu aussi. Mais je préfère la chanson. Je sais pas, la chanson, elle me. Elle me transperce. La vraie musique, je trouve. Elle permet de t'évader. La musicalité. Ouais. Bon, quel morceau on fait découvrir à Tal maintenant, comme elle n'a pas écouté encore l'album ? Je ne sais pas. Allez, comme ça, dis-moi. Ouais, dis-moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, t'es plongé dans mon univers un peu. Allez, comme c'est parti. Tu vas pouvoir découvrir l'univers de Cindy et vous balancer tous vos messages aussi. Allez-y, bombardez avec hashtag Cindy sur Skyrock. C'est parti. Il faut te donner tout ce que j'ai, tout ce qu'il me reste. Je viendrai te chercher sans un bruit, sans un geste. Je te changerai les idées lorsqu'elles seront un peu trop noires. Je ne te laisserai plus baisser les bras. Et si ce n'est pas suffisant, s'il le faut, tu sais, je laisserai faire le temps. Dis-moi, j'ai besoin de savoir. C'est le Planète Rap avec Cindy et l'album qui s'appelle Selfie à l'Hortal. C'est ça, ça défonce. Tu connaissais pas celui-ci? Ah bah non, moi je connaissais que Sans Rancune, je pense. Sans Rancune, ouais, voilà, c'est ça, ouais, avec La Fouine. Avec La Fouine. Et le deuxième Sans Voler, peut-être. Aussi Sans Voler, voilà. Mmh. Sinon les autres je connaissais pas et ouais c'est cool. Donc tu étais plongé dans l'atmosphère. Ouais. Dis-moi directement. C'est un des titres les on va dire éponymes de l'album. Où vraiment tu découvres mon univers, c'est moi qui l'ai écrit. Bah t'as raison de l'avoir mis en première d'ailleurs. Ouais, c'est un petit ça tu rentres direct toi dans c'est le... ça, exactement. Où je veux emmener les gens quoi. Et tu vois, regarde un petit peu Tal, c'est quelque part, j'ai envie de dire, la grande sœur avec quelques. C'est ça. Quelques mois de différence. Oh, j'ai 20 ans. Ah ouais, ouais. 20 piges. Putain, je vais avoir 26. Tu me donnais quel âge? Je sais pas, 25. Ah bah non. T'es la 24. Première qui me vieillit autant. Non, 20. 24. Mais peut-être parce que t'es maquillée, machin, tout ça. Peut-être. Ouais. Vous voulez qu'on parle des flingues, maquillage, un truc en particulier? Nana, ouais, allez-y. Ouais, entre meufs, tu lâches où ton gilet? C'est un vieux truc. Non, donc, c'est bien, voilà. Bravo, franchement bravo. Non, je disais, c'est vrai que sur le parcours, bah, toi, c'est ce que tu expliquais en début de semaine. Donc pour les titres, tu l'as écrit principalement avec un auteur. C'est ça, avec Nazim, ouais. Nazim, c'était le cas aussi, toi, peut-être. Pour ton premier album aussi. Oui, moi j'ai coécrit avec les auteurs aussi. Et petit à petit. J'avais rencontré les Chris, ouais, que tu connais. Les Chris, ouais. Qui ont fait En Avance. Plein d'autres titres d'ailleurs. Et petit à petit, tu écris toi aussi de plus en plus. Et ouais, mais c'est vrai que moi je suis plus dans la composition musicale en fait. Comme je joue à la guitare et le piano, j'aime bien composer la musique, puis les mélodies surtout de la voix. Ça c'est plus mon univers en fait. Ce que tu fais aussi, textes. Cindy, ou pas toi? Non, moi justement je suis plus dans la composition écrite que musicale. Que mélodie? Ouais, que mélodie. T'as pas des petites mélodies qui. En fait, je trouve ça pourri à chaque fois. Donc, bah moi quand j'écris, je trouve ça pourri. Genre, c'est trop de la merde ce que j'écris en fait. Donc, vaut mieux pas que j'écris un titre. Ouais, j'ai écrit Tombé du ciel. Ouais, et bah je le trouve très bien écrit. Ah ouais, mais peut-être parce que j'ai eu, je sais pas, c'est une histoire particulière, j'entends. Donc forcément. J'entends. Mais ouais, j'ai essayé plusieurs fois d'écrire et je sais pas, c'est pour l'instant c'est pas mon truc. Après, c'est pas encore sorti. Tard, mais ouais, ça j'ai toujours du mal avec le français, moi, de toute façon, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment ma culture. Toi, t'écrivais beaucoup en anglais, Ouais, plus en anglais, ouais. Mais bon. Après, Cindy, non, anglais. Moi, j'ai appris à chanter en anglais puisque je faisais que des covers américaines. Ah bah oui. Et voilà, mais c'est vrai que ça a été au début un peu difficile de chanter en français parce que c'est pas la même mélodie. Ouais, hyper c'est dur. C'est moins mélodieux et faut s'adapter quoi. Mais c'est hyper dur. Ouais. Ça va à peu près. Bon, toi, qui t'aimerais rencontrer parmi tous les covers que tu as repris? Adèle, j'aurais bien aimé. Mmh. Beyoncé évidemment. Et Bruno Mars parce que j'adore ce type vraiment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Tal, toi, t'as eu la chance hein, parce que t'as rencontré. Bon, il y a eu Alicia Keys que t'avais reprise également. Stevie Wonder, j'ai vu que t'avais rencontré. Stevie Wonder, ouais, non, mais j'étais comme une ouf. Mais non, mais genre, je tremblais et tout. Genre, comme si je voyais. Mais c'est trop drôle parce que j'ai l'impression d'être mes fans. Quand ils me voient, ils sont trop choux, ils sont tout. Et du coup, j'étais pareil quand j'ai vu Stevie Wonder, j'étais là. Oh my god, you're my god, you're my angel. Je lui dis, t'es mon ange. Genre, j'étais comme une folle. Mais vraiment. Et c'est lui la première aussi, fois que j'ai jamais été comme ça. Non, mais j'ai jamais été comme ça. Franchement, je pense que Stevie Wonder, c'est la seule personne. Et Michael Jackson, c'est les deux artistes vraiment. Bon, Michael, ça a été un peu il plus est plus dur. Là, malheureusement. Mais, je te cache pas que c'est un peu plus Stevie Wonder, c'est toute ma jeunesse. Donc, forcément, mes parents, toute ma famille, on écoute du Stevie Wonder. Donc, c'est une vraie influence. Bon, bah, toi aussi, on va voir. On suivra ça, en tout cas, pour toi, Cindy, sur ce qui va se passer sur les prochains mois. Oui, mais tournée aussi parce que alors il y a quelque chose qui est important. J'espère. C'est que Tal, elle est beaucoup partie en tournée. Une belle tournée. Là, franchement, tu sors en plus d'un moment acoustique, ça a été fou aussi ça, non? Bah acoustique tour, ça a commencé fin janvier. Là, il nous reste que deux dates parce qu'on a fait pas mal de festivals aussi et il nous reste que deux dates et après c'est fini. Voilà. C'est fini pour l'instant. Tu vas où? Sur les tu sais où tu vas dans Alors, les deux prochaines dates? Le 12 juillet, on est en Belgique à Bertrix et le 21 à 7. 7, ok. Voilà. Deux dernières dates, après c'est fini pour la tournée acoustique. Et après préparation du troisième album. Tu as vu Tal en concert? Ouais, je l'ai vu à Fourmise. Je l'ai vu à Fourmise et j'ai été voir ton... quand tu étais au cinéma. Quand tu avais fait un documentaire, j'avais été voir aussi. Cool. Bah, comme c'est une chanteuse, moi j'apprends des choses, donc forcément... C'est quelque chose d'envie toi d'aller, parce que tu l'as fait avec Tim BS un petit peu. Ouais, bien sûr, d'avoir mes concerts. Ouais, j'ai vraiment hâte. Parce que là, je l'ai pas encore fait, mes concerts à moi. Ouais. C'est des plateaux promo ou avec la Team BS ou première partie. Exactement, ouais. Mais c'était la première que j'ai faite. C'est vrai? La tienne, ouais. C'était le premier set de 30 minutes. Donc énorme. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir Tal. Et je disais, c'est vrai, il y a quelques minutes, parce que là, pour l'instant, t'avais besoin de souffler un petit peu, de partir un petit peu en vacances, de détendre un petit peu. Parce que ça a été des années quand même chargées, là. Hein. Bah, 3 ans de non-stop. Ouais, j'ai pas arrêté et ça fait du bien de se reposer parce que même de retrouver sa famille, d'être avec ses amis, de prendre du temps avec eux et c'est ce qui manque. Et d'avoir une vie normale en fait, aller au resto, aller au cinéma, faire des trucs de la vie de tous les jours. ça fait beaucoup de bien. Même aller faire ses courses, ouais, t'as des aller à la boulangerie, voilà, acheter du pain, enfin des conneries, tu vois, mais c'est tellement bien, c'est la vraie vie. Il y aller pas maquiller, y aller entre dégueulasse. Non, par contre, pas maquiller, c'est mort. Non, moi ça va, j'ai pas de problème avec ça, mais moi j'ai un problème, c'est chaud. Non, mais genre à la boulangerie quand tu descends le matin. Au moins du mascara, c'est tout. Je te jure, j'ai un problème. C'est une heure avant d'aller chercher la baguette. Putain, merde. Faut que je mette le réveil une heure avant. Non, c'est chaud. Mais bon, après, voilà, c'est un problème avec moi-même, mais ça va venir. Faut que je m'accepte comme je suis. Mais tu es parfaite. Merde, n'importe quoi. Tu es parfaite. Non, mais bon, voilà, non, mais ça fait du bien de se reposer, ouais. Tout comme Cindy qui est là avec nous. Dans un instant, on mettra un autre morceau juste avant les filles. Il y a le nouveau son de Pharrell Williams qu'on écoute. Il s'appelle Freedom. Tu l'as écouté, toi? Ouais, il défonce. Il défonce, hein. Mais alors, moi, je l'ai écouté en live la première fois. Parce qu'il a il a joué, live, ouais, il a joué, il a joué en Angleterre, je crois, non? Il me semble que c'était en festival en Angleterre. Ouais. Et on l'écoute maintenant, ça le morceau Pharrell Williams, Freedom sur Skyrock. À l'instant, Pharrell Williams sur Skyrock dans Planète. Ah, cette émission. Oui, oh là là. Et en plus, on ne prend pas de trucs bizarres. Non, non, non, non, non, pas à cette heure-ci, plus tard, mais pas maintenant. Non, on vous dit ça parce que sur le morceau Freedom, Tal s'est rapproché de Cindy, ou Cindy s'est rapproché de Tal. Et on s'est fait un gros câlin. Il y a eu câlin, il y a eu oh, tes cheveux sont éclaircis, ouais. Ah oh là oh, là, t'es trop belle. Des trucs de filles, quoi. Voilà, si vous voulez voir les images, hein, vous voyez tout à chaque fois, c'est sur le skyrock.fm ou alors sur l'application Skyrock pour télécharger. On écoutait donc à l'instant le nouveau son de Pharrell Williams. Dans quelques minutes, on va revenir, Cindy. Oui. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Le Danse Encore? Le Danse Encore, puis après je ferai découvrir un inédit. Ouais. Qui s'appelle? Qui s'appelle Seras-tu là? C'est ma balade en fait. J'avais envie d'un peu d'émotion aujourd'hui, puisque j'ai ma meilleure amie qui est partie pour 4 mois là aux États-Unis pour son trimestre à l'international. À l'internat, pardon, c'était facile. Et voilà, donc je sais qu'elle m'écoute dans l'avion, puisqu'elle est en Wi-Fi. Logiquement, elle doit m'écouter, j'espère. Normalement, si tu m'écoutes, je t'embrasse et tu me manques déjà. Et après, il va falloir penser à couper dans l'avion. Hein. Ouais. Je rappelle comme ça, rapidement. Et non, parce que c'est fait exprès. Enfin bref. Et ensuite, on fera un live avec Tal. Voilà. Bon, t'es toute tristoune alors un peu ce soir? Pas tristoune, parce que je suis contente pour elle. Je sais que c'est quelque chose qu'elle attend et ça va vraiment lui faire du bien. À Miami en plus, ça va. Il y a pire. Welcome to Miami. C'est quoi les études qu'elle fait? Excuse-moi, rappelle-moi. Elle est en école d'ingénieur, bac. Bien sûr. On y croit un seul instant. Non, mais pour de vrai? Oui, oui, bien sûr, à Miami. École d'ingénieur. Mais je t'assure. École de sortie, école de clubbing, oui. C'est ça, ouais. Elle n'est pas du tout comme ça en plus. C'est vraiment une intello. Elle sa vie, c'est les maths. Bah, elle va se lâcher là-bas. Ouais. Elle va revenir changer. Souviens-toi de l'image de ta copine et dans 4 mois, on en reparle, s'il te plaît. Elle va changer. Elle va revenir, tu vas pas la reconnaître comme ça. Elle va revenir avec des shorts. Ouh, c'était bien. Ça sera pareil. Et cheveux longs blondes alors qu'elle les a courts et bruns. Bon, t'as enfin, eu le temps de... Non, parce que c'est vrai que c'est un truc, mais un petit peu, toi, Tal, c'est la même chose. Quand vous avez commencé la musique, ça vous coupe aussi forcément, parce que vous êtes toute jeune encore, vous avez commencé la musique super jeune, avec plein de gens de l'entourage qui... C'est arrivé, Cindy, toi aussi? C'est des trucs durs de couper avec les potes, les proches. Moi, c'est ce qui me... C'est pour moi le plus difficile du métier. C'est quand tu... Parce que, en plus, moi, j'habite pas ici, mes proches ne sont pas là. Donc, quand je viens, par exemple, pour un mois et demi, je sais que pendant un mois et demi, je les vois pas. Angoulême. Ah ouais. Voilà, c'est balancé. J'ai pas du tout calculé, mais ouais. Ah, c'est pas Royan. Ah, c'est un truc de fou. Non, en fait, c'est plus simple pour moi de par rapport au train Angoulême. Voilà. Parce qu'il y a un train tous les 15 jours à Royan. Non, non, mais c'est compliqué pour aller à Royan. Paris-Royan, 5h30 de train. Ouais. Donc à un moment, c'est hyper long. Et par Angoulême, 2h. 2h. Donc voilà. Donc c'est sympa à Angoulême. Non, mais. La vie, elle est plutôt sympa. Comment il essaie de se rattraper. Non, non, je te jure. Bah, c'est une bonne soirée. Moi, il y a une espèce de rue où il y a plein de bars, là. C'est très sympa. Oui, oui, oui. Donc, à Angoulême, donc, voilà. Non, je suis pas fan. Du peu que je me souvienne, c'était vachement bien. Mais. Donc, je t'enfonce, là, arrête. Non, ouais, c'est bon, arrêtons là, donc, sur la découverte de la France. C'est ça. Et de ses habitants. Donc, ouais, ça, c'est donc, dur. Voilà. On était, ouais, sur le côté, voilà, dur de ouais, le côté dur pour moi, c'est la séparation avec les proches, ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que pour toi aussi, c'est le plus compliqué. Bah, surtout que moi, ma famille, ils sont pas là. Mes amis. Il n'y en a c'est plus. Parce que j'ai aussi... Non, j'en ai plus, j'ai plus rien. Non, mais mes amis sont aussi occupés. Enfin, ils ont aussi des enfin, ils ont leur, ouais, leur travail aussi. Donc, c'est vrai qu'avec mon planning et le leur, c'était pas évident de trouver des moments. Mais en effet, il y a les retrouvailles. Donc, toi, c'est dans 4 mois pour ta copine. Et toi, c'est en ce moment, Tal, puisque tu profites justement des gens. À fond, ouais. Des gens qui te sont chers autour de toi. Exactement. Avant de repartir. Exactement. En studio. En studio. Pour aller bosser sur le prochain album. Ouais. Et voilà. On revient donc dans un instant. Ça on balancera marche, le. Juste avant la pub que mon album sort vendredi et qu'on peut tweeter sur le hashtag Cindy sur Skyrock et que voilà, à tout et à l'heure. Et tu as encore oublié quelque chose? Oui, non, mais j'y pense depuis tout à l'heure. Les selfies. Place. Alors oui, donc nous avons organisé avec Skyrock un concours où en fait vous envoyez vos selfies les plus fous au snap de Skyrock. Donc à. C'est Skyrock. C'est Skyrock-du-bas FM. FM. Donc vous envoyez vos snaps et en fait on en sélectionnera quelques-uns vendredi et vous remporterez mon album dédicacé. Voilà, voilà. À pas louper dans un instant sur Skyrock le retour de Cindy, de Tal qui est là aussi avec nous. C'est juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cindy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cindy. Cindy sur Skyrock toute la semaine. De retour sur Skyrock avec. De retour, vas-y, prends-y. De retour sur Skyrock avec Cindy qui est là pour son Planet Rap avec Fred et Tal. Tu as une question à poser à Tal ? Oui, comment vas-tu ? Bah, très bien, et vous ? Ça va. Un peu plus piquante, un peu plus. Elle peut faire animatrice, hein ? Ouais, je pourrais, genre, mais tu as changé de couleur de cheveux. Ah, mais tu as changé de couleur de cheveux, dis-moi. Tu as un truc. Tout à fait. D'accord, tu as éclairci. Mais tout à fait. Tu es parti au soleil. C'est ça. D'accord. C'est naturel, en fait. C'est naturel, ouais. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Vas-y, ta gueule, c'est bon. Tal avec nous entre 20 et 20 ans aussi. Elle est venue ce soir soutenir Cindy et l'album qui sort vendredi. L'album, c'est Selfie. Selfie. On va en découvrir un morceau maintenant, on est promis. Attends, il y a quelqu'un qui demande faites-nous des bisous en direct. C'est bon ? Je pense que. Tu es content ou pas ? Attends, ça va mieux ? Bourgouin, Rachel. Bourgouin. Bourgouin, peut-être. Ah merde, Bourgouin. Qu'est-ce qui se passe, Tal ? Il y a des trucs en ce moment ? Non, mais c'est la fatigue, c'est le repos, le truc, tu vois. C'est en lâchage, en fait. C'est bien. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça aussi, les vacances. C'est ça. Les vacances de Tal qu'on vit en ce moment. Exactement. Elle nous emmène avec nous, en fait. Voilà, au soleil. Allez, au soleil. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances ? Transition. On chante. On danse encore. Voilà. Merci. Encore. Manque... Ouais, on danse et on danse encore, en effet. C'est un des titres soleil de mon album. Voilà. C'est ça. Qu'on va faire découvrir maintenant à Tal qui ne l'a pas encore écouté. Et puis à tous les autres qui nous écoutent également. Exactement. Hashtag Cindy sur Skyrock. Vous réagissez sur ce morceau, on le balance tout de suite. C'est extrait de l'album, ça sort vendredi. l'instant le morceau qui s'appelle Danse encore. On est passé en mode BAFA un petit peu. C'est ça en fait dans le studio. Dommage que les gens qui écoutent Skyrock ne peuvent pas être avec nous là ce soir. Bah, et en même temps, il y a les images pour ceux qui veulent suivre, c'est sur skyrock.fr. Si vous êtes derrière chez vous, là, derrière votre écran. Vous avez vu une chorégraphie de Tal magnifique. Je lui disais, t'as le même jeu de genoux que moi. Alors fais voir Fred, montre-nous un peu. Il est trop tôt, mais non, je non, vas-y, vas-y, vas-y. Il est vas-y, trop non, tôt, mais t'as parlé trop vite là, c'est me mort. Vas-y, me montre. Pas, me non, c'est pas mort, vas-y, montre. Vas-y, filme. Attention. Filme Fred, s'il te plaît. Non, mais attention, parce que là. Vas-y. Regarde, attention. Attends, mais mets la musique, mais attends, mais remets-moi Danse encore. Remets-moi Danse encore, s'il te plaît, Fab. Allez, ça sort vendredi, Danse encore là, allez. Exactement. Donc là, on se chauffe. Ouais. Petit mouvement de. Chauffement du genou gauche, chauffement du genou droit. Danse encore. Allez. Danse encore. Wouh. Ah ouais. Twist, twist. Twerk, twerk, twerk, twerk. Danse encore. Maintenant le popotin, vas-y, tourne-toi. Alors, t'as vu, je suis pas loin. Je suis pas loin. Pas mal. Il y a du travail. Putain, mais bon, ça va. C'est fou par contre comment je m'essouffle en 30 secondes, quoi. C'est là, faut faire du sport, Fred, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai que bah, j'ai arrêté, j'ai décroché en début de saison, j'ai pas réussi à reprendre le sport. Il faut continuer. C'est la résolution de tous les ans qu'on tient jamais, ça. Ouais. C'est ça. Mais bon, vous les filles, ça va, vous tenez la route. Bon, on est jeunes encore, c'est pour ça. À 30 ans, on va voir le résultat. Hein. Bah, bien sûr. Bien sûr, moi qui en ai 29 et demi, c'est vrai que je commence à le sentir. Tu commences à le sentir, quel mytho. Le Planète Rap avec Cindy et Tal. Tiens, je vous présente Moa Ro, c'est bien ça? Ouais. Moa Ro de La Rochelle, ça va bien? Voilà, ouais, ça va. Ah, c'est pas loin de chez moi ça, salut. Ah bah ouais, Angoulême, La Rochelle, ça va quoi, une demi-heure? Une petite heure. Moa Ro, tu es prêt à venir freestyler dans l'émission? Ouais, au calme. Et bon, t'écoute, c'est parti. Ok. LR, quartier ouest. Ok, pour tous les frappes. Check. Ok. Ok. LR 17, cache ta plaque, on débarque. Pas de détails, y'a les bleus, on décale, on détaille, ça c'est ballon, on est hal. Tu fais la chose, je te faut que t'as pas loué, je sais, je suis mal à ta. Ta mère, on peut pas remettre l'instru, s'il vous plaît. Allez, on remet ça. Pull up. Vas-y. Faut m'encourager aussi. Bien sûr, Moaro, vas-y, on t'écoute, mon pote. Allez. Yeah. Yeah. C'est bouillant. Ah. Ok. Et là, c'est cache ta place, on débarque. Pas de détails, y'a les bleus, on décale, on détape, ça c'est dalle, on est hal. Tu fais la chose, là, te faut que t'as ralouille, je sais, je suis mal. Ça a pas la prod, à la fois qu'on fait mal. Passe-moi le mic, que j'ache des balles. Nique tes phases et tes phrases, ça je l'attrape, c'est pas, tu dégages. Dans ta carrière, fais-moi air, qu'est-ce que ça fait depuis touche. Tant et pour tant, j'achète des bêtes et de tête qui tombent mal à la tête. Synonyme de vous, quand c'est des, c'est pour quand. Si j'avais 12 ans, j'y vais jamais doucement. Maintenant, c'est wesh, tu fais des butins de ton. À croire que j'ai mis le butin sans nique ta mère. On tienne même un sang, pas d'imitation. Pour ça que menaçant, même sans préparation. Tu recrains dans la tombe, que des bastons, des coins, commis, c'est agaçant. Tu fais le grand, pour nous t'es qu'un passant, coup du grand. Pour ça c'est une passion, moi aussi. Mais pour la mif, avant tout pour l'argent, ré, et moi, elle, où l'appel, ré, 10, 31, 10. Non, elle prend pas l'appel. Ah, ok, 8h du mat, ça fait que toquer, choquer. Quand les bleus sont allés, toi t'es poqué, t'as troqué. Tes fringues pour te droguer, t'as chopé un flingue en espérant devenir coté. Dans ma main, c'est sur le vice, sur la police non puisse. Sur le béton me puisse. On y va tous dans le 6, il laisse pas passer pour les vis. Ça qu'à demander au légiste, si on sait pas faire la 10. Dans l'équipe y'a pas d'autiste. Fix j'évite sur le beat, un série, j'ai des tics génétiques, c'est magique, c'est ma clique, c'est ma vie. Dès que j'arrive, c'est classique, j'ralentis, il panique pas de fuite. Les indiques, excuse ma bite, j'ai la trique sur le beat, ça kick. T'as pas d'autre équipe, pourquoi tu paniques, pareil c'est magique, il a magnifique. J'attire les meufs, ouais, j'ai des phonétiques, que derrière mon X, c'est devenu mon type. Pour te dire sur la si j'avais les transit. Ah, je me suis raté, sa mère. Bah, c'est pas grave, au calme, on est là. T'inquiète, c'était LR. Bon, merci à toi, mon La Rochelle. Pote. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur le net, tiens, on peut t'écouter quelque part. Ouais, VLS Transit. Sur YouTube, VLS Transit, Facebook, c'est moi, Ro. Il y a Mega, Kazaoui, Alpat, NDH, il y a Pépé qui soutient, Guérilla, il y a Brian, Nuka, tout le monde, il y a Kas, Koutkou, Chika, on est là les gars, Dadinho, Nalid, Hassan, je sais qui m'écoute, Louviter, EMK, Momo, tous les gens de la LE, tous les gens de VLS, tous les gens de Verdun, tous les gens de Portneuf, on est là, La Rochelle, Kalash, le Pony, je l'oublie pas, le match, je l'oublie pas, on est là les gars. Eh ben. C'est la famille. Bien sûr, mais j'en ai oublié. Ah. Bah, tu reviendras. Bien sûr, je passe une grosse dédicace à mon père qui m'écoute, je le sais, à ma belle-mère et à ma mère. Eh bah, ben, c'est bien, on finit en famille. Merci à toi, mon Haro, à l'instant. Et à bientôt dans l'émission. Le Planète Rap avec Cindy, avec Tal qui est là ce soir entre 20 et 21. On met un morceau, qu'est-ce qu'on a dit? Je m'en fous. Allez, Cindy, c'est, t'as perdu. Ouais, non, excusez-moi, j'ai regardé des messages. Une grosse semaine. Ouais, je suis à fond sur les messages et on en a beaucoup. Tal, tu vas refaire danser Alicia, on nous demande. Avec ta guitare, faites des cœurs avec les mains, les filles. À la fête des cœurs, d'énormes bisous pour Tal, Cléa, qui tu manques Love beaucoup. À tout le monde. Vous pouvez pas faire un petit duo ensemble pour l'album de Tal? Ah, c'est une bonne question. Bah écoutez, on va. Que j'allais poser un peu plus tard, mais. On va voir. On verra. On va voir. Toi, concrètement sur l'album, t'en es où, toi, t'avances? Concrètement, ou... rien. Non, voilà. Non, concrètement, je préfère ne rien dire, mais oui, il y a des idées. Ça avance. Voilà, ça avance. Tranquillement. Ouais. Je voudrais juste faire une parenthèse, puisque je viens de voir un message qui me rappelle aussi que voilà, je fais un gros bisou à Timéo. Donc c'est un petit garçon qui, donc ses parents nous écoutent, qui se fait opérer demain. Mmh. Et voilà, donc j'ai fait plein de bisous, bon courage. Et je vois qu'il y a un hashtag soutien à Timéo. Ouais, un grand garçon. Qui a une maladie un peu relou quand même, donc voilà. Des bisous, ben bisous Timéo. On lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, et puis on embrasse aussi, je suppose, la famille, les parents, c'est tout ça. Exactement, toute la famille. Et tous ceux qui soutiennent Timéo. Et tous ceux qui souffrent, en fait, voilà. Je pense fort à vous. Et le hashtag, on rappelle, donc c'est soutien, hashtag soutien, ouais, soutien à Timéo. Et pour réagir donc sur ce qu'on fait ce soir, c'est toujours le hashtag Cindy sur Skyrock. Elle est trop mignonne, la bichette. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Elle est trop chou. Tu veux faire un freestyle, toi aussi? Oh, elle est trop chou. Oui, tu veux? Tu veux rapper? Tu veux le micro? Tiens, dis quelque chose dans le micro. Elle est quelle hashtag, Bouchou? Dis quelque chose dans le micro. Elle est quoi? Deux ans et demi. Trop de mimi. Bonjour, tu t'appelles comment? Dis allô. Non, elle veut plus parler. Tu veux revoir tonton qui fait la danse des genoux? Ah, ça lui redonne le sourire. Voilà. Bouge pas, tonton s'occupe de tout dans un instant. On met le morceau? Je m'en fous? Yes, allez, je m'en fous. Allez, c'est parti. Et puis il y a un inédit aussi qui arrive. Hein. Exactement. Bougez pas, le Planète Rap avec Cindy. Eh oui. Et live avec Tal dans quelques minutes. L'album disponible vendredi. Ce n'est pas quand tout est beau, quand tout est beau, que l'amour se teste. Toujours besoin de faire le show, surveille tes mots et tes gestes. Tu peux garder tes mots, ils sonnent faux, un peu comme le reste. J'ai pardonné, mais je veux plus supporter. Notre histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Je m'enfuis, pourquoi me sourire? Ceux qui disent je t'aime, t'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Je sais que derrière mon dos, t'as les yeux qui traînent. Tu peux remballer tes cadeaux, t'as flûté tous tes poèmes. Et tu dis que tu m'as dans la peau, ça sonne faux, ce soir la coupe est pleine. T'as pas su ravaler ton ego, tu sais. Il vaut mieux qu'on se laisse. Histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Je m'enfuis, pourquoi me sourire? Qui font souffrir, ce que tu sèmes. Pardon. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Cindy et son album Selfie. À l'instant des selfies, il y en a plein qui sont pris dans le studio en tout cas en ce moment. Oui, oui, oui, c'est l'instant c'est, selfie. C'est l'instant, l'instant selfie dans le studio. Ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Avec Tal qui est là aussi entre là, 20 et 21 en pleine discussion. Nous rejoint dans quelques secondes. Ouais, dans quelques secondes puisqu'il va y avoir le live, le morceau que vous allez reprendre. Exactement, c'est Earned It de The Weeknd. The Weeknd maintenant en version acoustique. C'est ça, juste c'est le. Voilà, Tal, c'est bon. On peut y aller. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ah merde, je savais pas que ça reprenait, désolé. Eh ben oui, on va attaquer les versions acoustiques. C'est parti. Allez, tu es prête? Ouais, j'ai la pression. Regarde, on t'apporte la guitare. Hein. On est plus à l'aise sur scène, je pense, qu'en live radio. Ouais, ça va bien se passer. Je sais pas donc, si ça fait ça aussi. Vous avez juste ouais, répété un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a, ouais, pas eu de répète, fait, vous ne l'avez jamais fait. On la vient juste de la faire. Donc vous l'avez répété un petit peu là pendant la pub. Donc s'il y a deux, trois petits trouages, c'est pas grave. Ça va. On est détente. Celui-là? Les micros sont branchés. Celui-là? On peut y aller. On va y arriver. Attendez. Hop. Moi, j'en ai dans mon casque. Hop, c'est bon. C'est bon, les filles? Oui. Hey, hey, hey. Pardon. Go. Dès que t'es prête. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là, Skyrock? Oui. You make it work like it's magic. Oh no, I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to be used. So I love when you call unexpected. Cause I hate it when the moment's expected. I'ma care for you, you, you. I'ma care for you, you, you, you. Yeah. Girl, you're always worth it. And you deserve it. The way you work it. But you oh no, so you don't pay, don't pay, don't my mind when living on lies. Hey, yeah, you're my favorite kind of night. So I love when you're cold, unexpected. Cause I hate for the moment expected. I'ma care for you, you, you. I'ma care for you, you, you, you. Yeah. Cause boy, you're perfect. You're always worth it. Always worth it. And you deserve it. You deserve it. The way you work it. The way you work it. Cause boy, you moi, je dis bravo. Merci beaucoup. pardon. Non, mais c'est bien. Pas de problème. Bravo à l'instant en live. Merci à toi. Sans. Cindy et bon, Tal. Cindy. Merci. The Weeknd. Merci beaucoup. Earned it à l'instant. Et voilà. C'était terrible. Yes, très bon moment. Je suis très contente d'avoir fait. On a même pas répété. On l'a fait comme ça. On l'a fait là, une fois vite fait, juste pour les balances, quoi, micro, voilà. Guitare, mais basta. Et bah là, c'était bravo. Parfait à l'instant. Bravo, bravo. Merci à vous deux. En tout cas, regarde, ça fait réagir un non-stop là. Hein. Ouais. Avec bravo. L'hashtag Cindy sur Skyrock. Bravo les filles, vous avez assuré. Ça défonce au top. Superbe duo, magnifique les filles. Merci beaucoup. Super live, merci les girls. Le vous avez géré. Enfin, ça merci. N'arrête pas. Waouh, Tal. Waouh, Cindy. Trop mignon. J'ai adoré. Ton vernis, il va bien, Tal. Alors ça, c'est une question a priori. Ah ouais, il est parti en cacahuète. le vernis vient de sauter. Ouais. Donc rassurez-vous, mais ouais. Personne n'a été touché. Personne n'est parfait, chérie. On écoute un morceau pour conclure. Signé, on avait dit un titre. C'est la guitare, j'avais dit. Donc la balade guitare-voix, on va finir sur une touche d'émotion. Très bien. Donc ça s'appelle Seras-tu là. C'est une chanson, en fait, où j'ai voulu parler justement de ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des proches. Et parfois, quand on est tout seul et qu'on travaille, on se demande s'ils seront toujours là. Et voilà, c'est une chanson que j'ai écrite pour ça. Et je pense que n'importe qui se reconnaîtra dedans. Donc c'est parti, c'est Seras-tu là. Exclu maintenant, ça sort vendredi. Extrait de l'album Selfie, l'album de Cindy, vendredi 10 juillet dans les bacs et en précommande dès maintenant, allez-y. Quand je serai seul au monde, aucun sourire à la ronde, quand mes rêves auront perdu leur voix, quand j'aurai le cœur en hiver, quand je ne saurai comment faire pour affronter les démons en moi. Si je tangue comme un bateau ivre, si je me noie que rien ne me fait vivre, si je reste déçu et quand j'aurai tout perdu. Secondes, puis l'obscurité nous inonde, éphémère comme le jour qui s'en va. On se consume, on renaît, au destin on se remet. Non, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais si je tangue comme un bateau ivre, si je m'enferme en croyant, je reste déçue. Et quand j'aurai tout perdu, tout perdu, l'amour et la foi, seras-tu, seras-tu près de moi, oh, oh, oh, si je n'ai plus la confiance en moi. C'est moi qui serai là, parmi les ombres, pour te rendre ton éclat. Et si tu tombes, je marcherai pour toi, quand l'espoir ne sera plus, quand on aura tout perdu, tout perdu. Seras-tu près de moi, si je n'ai plus la confiance en moi. Seras-tu près de moi. Et voilà. J'ai la larmichette à l'œil. Il est pas très joyeux ce titre, hein. C'est vrai que... Mais un petit peu quand même, parce qu'à la fin, je parle à mes proches et je leur dis, si tu tombes, c'est moi qui serai là, tu vois. Donc, mais après, c'est vrai que voilà, on passe tous par des moments où on a besoin d'avoir quelqu'un avec nous, et on est quand même, on croule sous les doutes, et voilà, c'est cet aspect là de notre métier et de nos vies que j'avais envie de mettre en avant dans de retranscrire chanson. dans ce morceau. Voilà. Et ben, je pense que cette chanson en live, ça va être très dur à chanter, vraiment, à mon avis. Vivement la tournée. Carrément. Bon, merci pour cette belle soirée en tout cas. Merci Tal d'être passé. Merci de m'avoir invité. Merci Cindy. Merci le management. Merci Skyrock surtout. Et voilà, j'espère que vous resterez fidèles pour la suite. On se revoit bientôt. Oui. 2016 à mon avis, peut-être plus. Ouais, peut-être. Ouais. On va voir. Ou peut-être avant, qui sait. Ou peut-être avant. Ouais, je sais c'est pas. Vrai. À suivre. Bon, merci d'être passé en tout cas. Merci à tous. Que voilà, tu as besoin en ce moment de souffler après toute cette aventure. Ouais. 3 ans d'aventure en non-stop, donc c'est bien aussi de, voilà, de se faire des pauses. Ça fait combien de dates en tout ? 128. Oh là là, normal. Et attends, et donc il en reste 130. Il en reste 2. Non, alors attends, je te dis des conneries. 128 sans les dates de festival, donc j'en ai fait 6. Ouais, 134. Allez, on arrondit. 134. Allez, on arrondit à 135, on n'en parle plus. Oh, c'est énorme. Bon, en tout cas, c'est beau. Voilà, c'est une passion qui permet aussi. Et c'est de... surtout grâce aux fans, c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc c'est surtout à eux qu'il faut dire moi, merci. Moi, je vous dis, allez la voir sur Sental parce que franchement, elle déchire. Vraiment, hein, c'est hyper juste et hyper beau, c'est top. Non, mais je tiens à le dire parce que voilà, Et bah, dès qu'elle repartira en tournée, Tal, on sera là aussi pour la retrouver. Et puis c'est l'album gentil, qui arrivera entre temps. Merci d'être passé. Cindy, avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Flo aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Julien de Somain, ça va bien, Julien? Allô. Ça va en pleine forme? Ça va, tranquille. Je te présente Cindy Tal qui est là aussi avec nous. Bonjour. Salut. Julien, est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, y'a pas de soucis. Allez, je lance, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Concert aux arènes de Bayonne à choper les 23 et 24 juillet avec dans un premier temps Big Flo et Oli et le lendemain Black M. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter après ce magnifique stop. Là, il y a du coffre aussi, hein, Julien. Et bah la totale, Big Flo et Oli le 23 juillet, le 24 juillet Black M et des places aussi, 3 places pour aller au ciné avec tes potes pour aller voir le film Les Profs 2 qui fait un véritable carton, c'est pour toi. Oh, c'est super, merci. Refait, Julien. Et en plus, même que t'as le droit d'aller chercher mon album vendredi. Voilà. Aussi. T'as aussi gagné ça. Merci. Et bah de rien, Julien, je te souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Salut. Ciao. Bisous. Merci Tal, merci Cindy, demain. Hein. Oui, demain. Demain, tu seras là soir, à 24h de la sortie. Oh là là, mais arrête de faire des comptes comme ça. Même pas. Non, c'est trop bien. Non, mais contraire. Moi, je l'ai avant vous. Pardon. Elle va le mettre sur le net, sur ses réseaux sociaux dès ce soir. Non, je vais le faire griller direct. Si je fais ça. Je m'étonne, tout le monde t'a vu. Donc, ouais, grave. Et donc voilà, merci à tous. On a été en top tweet ce soir encore. Et merci. Franchement, et merci. Bah, bravo. C'est top. Vous êtes énormes et je vous aime fort. N'oubliez pas que demain, je suis encore là, toujours avec le hashtag Cindy sur Skyrock. Il y a également le concours pour remporter mon album vendredi. Donc vous envoyez vos selfies au snap de Skyrock, donc Skyrock-FM. Et voilà, et je vous fais plein de vidéos. Et l'album, il est trop bien, et il y a des photos dedans, ça défonce. Oui, regardez, je vais en parler ce soir, parce que en fait, j'avais fait un concours avec les fans. Où j'avais c'est dit des que, selfies voilà, j'ai fait un concours de selfies, j'avais dit que j'en posterai certains dans le livret, j'ai tenu ma promesse, et voilà. Mais mets pas tout, comme ça. Comme ça, voilà, ils ont le temps de. Allez, là, ils ont pas vu, c'est bon. Ils ont pas fait de zoom. Mais si Momo a zoomé, tu t'en doutes bien. Momo, c'est le roi du zoom. Merci à vous tous. Ciao les filles. Merci, on va retrouver Diffoul maintenant. Salut les filles. Salut Fredo. Hello. Merci pour cette belle soirée. Nous aussi, on va démarrer avec une fille ce soir. Je me suis dit, tiens, c'est un peu la soirée fine. On aura Rihanna. Ouais, je sais que je fais plaisir à Tal. Ouais, je l'aime trop, c'est ma femme. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est ma femme. Et vous faites des soirées à la maison? Ouais, elle vient à la maison, on twerk et on peut passer ou pas? Non, elle est qu'à moi. Vous invitez du monde? C'est la mienne, je partage pas. Elle est avec nous dans le studio. Ah bah j'arrive. Ah ça évidemment. Comment faire venir Tal? Comment la faire venir? C'est facile, tu dis à Rihanna qui est sur mes genoux. Elle est sur mes genoux, dis donc. Normal. Rihanna contre avec Bitch Better Have My Money. Yes. C'est parti, on démarre avec ça ce soir. Et puis on vous attend en direct au 01 53 40 30 20 Tal. Bisous, à très bientôt. Bisous à tous. Et Cindy, à demain. À demain et après-demain aussi. Et après-demain. Et ouais. Le jour de la sortie de l'album. Exactement, j'ai dit full. C'est vendredi et c'est puis jeudi, bah, c'est demain, c'est dans Planète Rap à partir de 20h. C'est ça, merci beaucoup. Allez, coup d'envoi pour la Radio Libre 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages sur tous les réseaux de Skyrock, le 41759, les applis Skyrock, le skyrock.fm. Allez-y, faites péter. Et on arrive avec Rihanna. Bitch, better have my money. BBHM pour les intimes. Ouais. BBHM. Rihanna. BBHM. C'est parti, Rihanna tout de suite. Bah, juste après la pub, ça va aller vite. Hein. On est de retour. Ciao. Rihanna tout de suite. Ah, ciao. Tout l'été sur Skyrock, découvre les meilleures nouveautés et retrouve aussi tout.